Tu avais les cheveux blancs, grand-père, tu avais les cheveux blancs. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, et je les aimais tant, et je les aimais tant. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, tu avais les cheveux blancs. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, et on les aimait tant. Prisonnier à la dernière, emmené par les Allemands, tu n'en as pas fait une affaire, même pour un petit ruban, même pour un petit ruban. Grand-mère qui était cuisinière depuis l'âge de 13 ans, travailla toute sa vie entière, on n'en fait pas autant, on n'en fait plus autant. Grand-mère faisait des confitures et Pépé bricolait. Il réparait les petites voitures que les enfants lui apportaient, que les enfants lui apportaient. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, tu avais les cheveux blancs. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, et on les aimait tant. Tout là-haut près du grand Saint-Pierre, tu ne dois pas t'ennuyer. Toi qui durant ta vie entière n'arrête pas de bricoler, n'arrête pas de bricoler. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, tu avais les cheveux blancs, tu avais les cheveux blancs, grand-père, et je les aimais tant, et je les aimais tant. Tes beaux cheveux blancs, tes beaux cheveux blancs. Tu avais les cheveux blancs, grand-père, tu avais les cheveux blancs. Tu avais les cheveux blancs.